Exercice 3. Allô, c'est Fabiola. Est-ce que tu veux aller à la plage cet après-midi? On peut se retrouver chez moi à 13h30. Je vais préparer une salade avec du poulet pour le déjeuner. Toi, tu peux apporter de l'eau. Et on peut manger une glace à la plage. À tout à l'heure!